Le maréchal se montra. Le vieux soldat avait fait si rapidement la course qu'il s'essuyait le front avec son foulard. « J'ai remis 2000 francs à Mariette, » dit-il à l'oreille de sa belle-sœur. Adeline rougit jusque dans la racine de ses cheveux. Deux larmes bordèrent ses cils encore longs, et elle pressa silencieusement la main du vieillard dont la physionomie exprimait le bonheur d'un amant heureux. « Je voulais, Adeline, vous faire avec cette somme un cadeau, » dit-il en continuant. « Au lieu de me la rendre, vous choisirez vous-même ce qui vous plaira le mieux. » Il vint prendre la main que lui tendit Lisbeth, et il la baisa, tant il était distrait par son plaisir. « Cela promet, » dit Adeline à Lisbeth, en souriant autant qu'elle pouvait sourire. En ce moment, Hulot jeune et sa femme arrivèrent. « Mon frère dîne avec nous ?» demanda le maréchal d'un ton bref. Adeline prit un crayon et mit sur un petit carré de papier ces mots. « Je l'attends, il m'a promis ce matin de dîner ici, mais s'il ne venait pas, le maréchal l'aurait retenu, car il est accablé d'affaires. » Et elle présenta le papier. Elle avait inventé ce mode de conversation pour le maréchal, et une provision de petits carrés de papier était placée avec un crayon sur sa travailleuse. « Je sais, » répondit le maréchal. Il est accablé de travail à cause de l'Algérie.